émission rap de référence. Planet Rap. 20h-21h, ce soir. Planet Rap Niska. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine dans Planet Rap entre 20h et 21h tous les soirs. Un projet attendu qui va sortir en fin de semaine. C'est déjà en précommande dès maintenant, allez-y. Le projet de Niska, c'est sur Skyrock à découvrir cette semaine entre 20h et 21h. Et à l'instant même où je vous parle, l'arrivée de Niska dans les studios sur Skyrock. Il est où Niska? Il est en bas? Il arrive, Charo Live, donc ça sort le 2 octobre. La première mixtape de Niska à découvrir entre 20 et 21 sur Skyrock. Le numéro de téléphone est déjà mis en place. On peut joindre Niska donc dès son arrivée à n'importe quel moment. Je vais lui remettre ce portable qui s'échange d'artiste en artiste durant toutes les semaines de Planet Rap. C'est le 06 71 74 84 15 pour joindre à n'importe quel moment de l'émission. Avant, après aussi. Niska 06 71 74 84 15. Et en attendant Niska qui est en train de faire son entrée sur Skyrock, voici le medley de ce projet qui sort le 2 octobre, vendredi. Écoutez ça. Planet Rap. Hey, à part mon Dieu, moi je ne dois rien à personne. À part à ma mère, ouais, ou à mon Smith et Wesson. Toujours dans les gros coups, toujours dans les gros sommes. C'est dans le rap gay game, y'a que des voyelles, boy, je serai la console. Lunettes teintées, farce et non, vitre teintée. Bender, j'partais au charbon, oui. Les biches portent blindé. J'encore la dalle, j'suis pas gaffe. Oui. J'arbois toujours les mains gâtées. Oui. J'arbois toujours les mains gâtées. J'volais le goûter des enfants gâtés. Sur le bitume, y'a plus de place. Planète rap. J'traîne avec gros bonnet. J'traîne avec gros bonnet. Y'a pas qu'à l'armée qui a des famas, des galachnikovs. J'suis venu, j'ai vu, j'ai trop collé guerre comme Bernard Mador. J'traîne avec gros bonnet. Planète rap. Mais dis-moi ce qui se passe, car j'ai mal à la tête. Pour refaire surface, j'ai du boycotter. Vas-y, viens, on fait la guerre. Si tu veux, c'est maintenant. Mauvais comportement, oh là là. Big money, have my mind. Big money, have my mind. Have my mind. Big money, have my mind. Planet Rap. Qui m'en veut? Ouais. Lequel de mes raccourcis sera là si je tombe? Ma femme, c'est ma princesse. Maintenant, oui, quand même. Y'a pas d'égalité, on frappe à la paix. Planet Rap. Tu casses, tu payes en ligne. Tu vas à la surface comme Philippe. T'as toutes les bouches comme les Philippe. Fais tout la bouche, on te fait la peau. Je fais le plein, on finit le plein. Je suis dans la surface comme Philippe. Dans toutes les bouches comme les Philippe. Ah, ce qui est pas d'un flippa. Ah, ah, ne flippe pas, ne crie pas. Aujourd'hui, je prends le large. Je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend le large. Les jours y passent et je dois les lâches. Planet Rap. 91 Los Angeles, 2015 on est pas haut. Tony Montana. Planet Rap. Voilà, le medley, c'est ce qui vous attend vendredi dans les bacs. On écoutera, on découvrira des morceaux. Il y aura du live aussi avec Niska qui est là. Il est dans les couloirs, je l'ai vu. Donc le temps qu'il arrive au micro de Skyrock, au micro de Planet Rap, on va balancer un extrait évidemment de cette mixtape. Le morceau Ochoa. Et puis on vous attend aussi, si vous voulez rapper dans l'émission, inscription 41759. Pareil pour faire tourner la roulette tout à l'heure. 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. C'est parti pour Planet Rap Niska. La jalousie, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles. Crois-moi, je te l'assure. Corrosif. Hey. Les médias vont me censurer. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. Fuck. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Les jaloux me jugent, veulent savoir ce que je fais dans la tête. J'ai compris, j'ai plus le temps pour les faire de fesses. L'Afrique est en pleurs, y'a mon plat qui m'appelle Brazzaville. Toi tu penses que ici ça bibi juste pour se planter, hey. On n'est pas gangster, nous charognards. Qui veut te planter, qui veut te plomber, hey. Ça vit tous les jours. Bibi tous les jours, oh. Les mecs d'à côté font les fous, oh. Sont-ils jaloux qu'il y ait un four? Bang bang bang. Mais où sont les vierges? Que des agitaires. Négro type, un matin Luther. Si aujourd'hui je prends le large, je dois éviter les barrages. C'est vrai que mon fils y prend de l'âge. Les jours y passent et je vois les lâches. Commence à prier, au cas où ça va tirer. Pour mes charrons. Couple, je découpe. Yeah, yeah. Tu veux le B9, tu la coupes. Yeah, yeah. Nico, tu payes si tu touches. Ma bouche est ma meilleure cartouche. Des kilos de pilon, des kilos de Z là. Rimka aurait dû jeter par la fenêtre. Si tu veux percer, le monsieur m'a dit. Corrosifu, ne fais pas la quenelle. J'encule le peuple et le monde entier. Mon meilleur ami, c'est mon banquier. Moteur allemand sous l'avant-pied. Je vais investir dans la repierre. J'fume ma OG couche. J'compte mes liasses. Pendant ça, Griselda dans la douche. Maman n'a pas le bac de lecture. Pourtant, elle sait lire les factures. Je remercie le ciel encore. Il reste des bons hommes comme Gradure. Mais où sont les vrais? Deux équipes encore. Si je pète le million, la cotine en boca. Si aujourd'hui je prends le mon fils y prend de l'âge. Le jour y passe et je vois les lâches. Le Planète Rap avec Niska, ça y est, il a fait son entrée. Voilà. J'ai compris, comme il commence à faire un petit peu frais, t'avais besoin de te couvrir un peu plus, ainsi que tes amis qui sont venus avec toi dans le studio. Exactement. Si vous avez les images, vous comprendrez pourquoi. Ça va bien, Niska? Ouais, ça va et toi? Bon, on peut le dire en même temps pour ceux qui n'ont que la radio, Niska est venu avec une bande cagoulée, toi aussi d'ailleurs. Tous cagoulés, mon frère. Tous cagoulés. C'est la rue ici. Voilà, c'est ça, j'allais demander, est-ce qu'il y a un symbole particulier? Est-ce qu'il faut y voir un symbole particulier? Un symbole particulier, quand tu parles de symbole, tu veux dire? Non, je sais pas de cette cagoule, c'est pour non, le froid, c'est pour se camoufler. Pour annoncer la couleur. Pour annoncer la couleur, que là on est énervé là. Non, on vient braquer le rap français. Ah, c'est pour voilà. Ça, donc voilà, c'est parti. C'est pour ça qu'on est cagoulé. Et a priori, le braquage aura lieu dès vendredi. Dès vendredi avec Charo Life, exactement. Charo Life dans les bacs à découvrir cette semaine. Comment ça va, Niska? Ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme. Bienvenue à tout le monde aussi qui t'accompagne, parce que je ne reconnais personne. Ouais, il y a la B, il y a Trafic NT, il y a Madran, il y a Brigui, il y a Skaoji. Il y a les frères qui sont venus de partout, on est là partout, il y a les frères du 91, on est là mon frère. Bah oui, on va rappeler un petit peu, tiens, déjà aussi je vais te confier ça, ça c'est le portable. Ouais, le portable, c'est le 06 71 74 94 15, les gens peuvent te joindre à n'importe quel moment. Ouais. Il va y en avoir beaucoup des appels. Ouais, ouais, je vois ça. Tu vas en prendre un maintenant ou un petit peu dans quelques minutes? Vas-y, je prends le prochain. Voilà, tu prendras... Ah c'est bon, ah, non, mais ça, il y en a un là. Ah mais il y en a tout le temps. Je le prends. Vas-y, prends. Appuie bien sur le haut-parleur qu'on entende bien. Vas-y. Allô. Allô. Ouais, ouais, je bien ou quoi? Bien, tranquille, et toi? Ouais, on est là. Allô? Ouais? Ouais. Ouais, tranquille, t'appelles comment? Georges. Oh, quel Georges. Georges, George, W. Bush. Vous les sang comme un boucher. Ça dit quoi? C'est lui. Ouais, t'es mon jumeau ou quoi ce soir? Ben ouais, c'est ça, gros. Ouais, t'habites où? À Bordeaux. À Bordeaux? Ouais. En plus, je suis bientôt en concert là-bas, tu vas venir? Bah ouais, bien sûr, je vais venir. Ah, il faut venir. Ouais, bah ouais, il faut. Charo Live, c'est quand? C'est le 2 octobre, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça, tu as raison de demander quand ça sort. Ah, le 2 octobre. Tu vas le prendre? Ouais. Ah, j'espère. Il y a moyen de choper un t-shirt ou quoi? Un t-shirt? Ouais. www.charo-shop.com. Là, c'est sûr, t'as tout. T'as même des caleçons là, t'auras tout, là. Voilà, même des caleçons et tout. Voilà. Eh ben okay. Merci à Georges en tout cas d'avoir été merci avec Georges nous en ce début d'émission. On est ensemble. Voilà, donc vous savez maintenant aussi pour récupérer des t-shirts, c'est pas la peine de demander si vous appelez Niska. Entre 20 et 21, mieux vaut aller sur le site directement. Ouais. Bon Niska. Ouais, ouais, ouais. Alors tu te sens comment à la sortie, la veille de pratiquement de la sortie de cette mixtape? Ouais, on a quelques jours de Charo Live. Franchement, je suis impatient. Impatient, pressé. Pressé parce que c'était une année de travail. Tu vois, on a travaillé lourd cette année. Dur, dur, dur. C'est dur. Donc voilà. On est pressé de voir ce que ça va donner. Alors c'est vrai, il faut dire aussi, oui, c'est vrai, sur cette dernière année, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de toi. Il y a une attente hein, autour de toi et autour de ce projet. Ouais, mais c'est sûr. Aussi l'aboutissement de tout un boulot, parce que c'est pas la première fois que tu rappes, t'es pas arrivé dans le rap il y a un an. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu toute une histoire qui a commencé. Toute une histoire, ça fait maintenant quelques années, environ 6 ans, tu vois, qu'on est dans ce truc-là. Tu vois, et ça fait un an, comme tu dis, un an, environ un an que ça prend. Voilà. Maintenant, on espère qu'on va. On est là pour. On est, de toute façon, je pense, c'est même pas on espère, je pense qu'on est là pendant pour longtemps. Tu vois. Et voilà, on va envoyer jusqu'à ce que les gens, ils en auront marre de nous. Bon, toi, t'arrives du 9-1. La rencontre avec le rap, les premières fois où tu vas aller en studio, c'est quoi? C'est quand t'as 14-15 piges, rapidement? Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, 13-14 ans. Ouais, c'est ça. Tu formes un groupe à l'époque? Ouais, je forme un groupe avec mon frérot qui est là. Qui est là? Ouais, un groupe enragé. Qui s'appelle Mineur Enragé. Ouais. Tiens, ouais. On a récupéré un petit extrait, écoute. Ouais. Je veux l'argent, la burette, je la fais dans mon lit. Laisse-moi juste le temps qu'on puisse parler. Tu sais tout Ferrari, la rue. Ou le Hesmec, des N, ou les Air Max. Le bif, ou la Hesmec, espoir, ou le T-Max. Y'a Haja, mais la gifle, ou le coup de tête. Lui c'est ton vrai gars, mais ça peut finir sur un coup de traite. La bitch, ou la meuf, je viens soda. Certains c'est les clubs et d'autres c'est phase. Sur un champ de R. Les bâtards quand c'est pas le noir, c'est le rap ça. Des mains haut du rap, y'a le trône. Faut que j'attrape ça, faut que j'y lâche. La meuf, moi ça fait l'enfer. Voilà. C'est Mineur Enragé. Ouais, c'était Mineur Enragé. Mineur Enragé, il y a eu des projets qui sont sortis sous Mineur Enragé. Exactement, un projet s'appelait Rap Département Sale. Rap Département Sale, il est sorti, je peux plus te dire l'année. Ça fait longtemps, ça fait un moment. Quel souvenir vous gardez de cette époque, messieurs? Attends, je vais laisser parler mon binôme. Franchement, on en souvient, franchement, les featuring. On avait fait des gros feats dessus. Et franchement, on a kické sale dessus. C'était lourd. Bah c'est vrai qu'en réécoute, moi je suis retombé sur 2-3 morceaux de Mineur Enragé, hein, je me suis plongé. Il y a déjà le ton, hein, il y a quand même à l'époque. Il manquait juste l'exposition. Ouais. Ah oui. Il manquait juste l'exposition, mais il y avait déjà tout. Bon, je suppose aussi par contre quand on grandit Mineur Enragé, le nom du groupe ça devient un petit problème. Parce voilà, que... C'est ça, après quand on est passé majeur, on est passé Négro Jeep. Donc il n'y a pas eu la suite Majeur Enragé, mais vous restez quand même proche, c'est ça aussi. Non, mais on est resté Négro Jeep. Ouais. On est resté Négro Jeep pendant un moment. Et voilà, après. Ouais. Transformé en Niska, mais c'est toujours Négro Jeep. Hein. Tu vois, sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Négro Jeep, c'est toujours dans le cœur. Et puis, t'es toujours là aussi, donc voilà, il y a un soutien, il y a une force à avancer ensemble. Quoi. On bosse ensemble, on est là. Tu peux le retrouver même sur, Charo Life, il est sur Charo Life, sur le morceau 911. Bien sûr. Tu vois. Et pour tous les auditeurs qui entendent, parce que tu vois, peut-être qu'ils vont pas savoir, parce qu'il y avait eu un petit problème au niveau de la sortie, tu vois, il n'y avait pas écrit Fitz Kaoji, mais bon, en tout cas, 911, c'est Fitz Kaoji. De toute façon, j'ai balancé un morceau dans la semaine, Building, c'est lui, tu vois, sorti sur ma chaîne, Building. que mon frère Oscar Odier, donc voilà, on est ensemble, tu vois. Et donc l'aventure continue ensemble, continue. En tout cas, jusqu'à la sortie de ce projet. On va continuer à parler aussi de ton parcours, comment t'en es arrivé là dans un instant. Est-ce qu'on mettrait pas un petit morceau genre Mama maintenant? Pourquoi pas? Ça te dit, ça vous dit, tout le monde est OP? Vas-y. Niska, ça sort vendredi, le titre c'est Mama, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Les loups mangent les brebis, ça on le sait. Alors, on te mange ou tu manges? Le game n'est pas un jeu, oui en effet. Alors, on game ou tu tranches? Mama t'inquiète pas, papa t'inquiète pas. Ton fils est un soldat, j'ai un prolique sous les draps. Ça fait 6 piges que je rappe, j'suis pas débutant, À 18h sur le raté, on siffle la mi-temps, Gros mytho, c'est l'heure du vagin, faut se lever tôt, J'entraîne pas les petits frères à devenir des grands gangsters. La rue c'est pas un jeu, on t'oublie des comptes en terre. La barre est magique, attends arrête la zic. Bébé fais du jab et verse ta romagie, Nique le CAC 40. Les coques ça mange du blé, ça mange pas de carottes. Faut que l'impina, un keuf qui sène un plat au crâne, ta fit fila. Faut que les cifra, un noir qui sène c'est le Milan AC Kefarachi. Mama t'inquiète pas, Niska, notre invité, ouais, avec le morceau qui s'appelle Mama à l'instant. Mama, gros big up au beatmaker qui a fait cette prod, Furlax. Furlax à la prod. Parce que c'est une grosse prod. Il y a beaucoup de producteurs d'ailleurs dessus sur Charo Live, beaucoup de gens différents. Ouais, beaucoup de gens différents parce que je bosse avec énormément de personnes différentes. J'aime pas moi m'encloîtrer dans un seul truc, tu vois. Donc ça veut dire que je donne la force à tous les beatmakers qui m'envoient des prods. J'essaye de répondre à tout le monde, j'essaye de voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et voilà. Bon. Ceux à qui je peux donner la force, ils se retrouvent. On les présentera cette semaine entre 20 et 21. Donc la Furlax, si j'ai bien compris, pour celle-ci. Furlax. Extrait de Charo Live, ça sort vendredi à découvrir Niska. Et puis on disait aussi une tournée, hein, des dates déjà de concert pour Niska. 27 octobre c'est du côté de Lyon, Ninkasikao. Le 31 octobre à Bordeaux, le 4 novembre à Lille, 5 novembre à Cigale aussi. À Paris donc ouais. Pour tous les gens qui veulent voir Niska en live, les places sont déjà en vente. Et puis en attendant on peut précommander aussi ce projet Charo Life qu'on découvre entre 20 et 21. Ce soir on est un petit peu sur ses origines, sur ce qui t'a donné envie de rapper. Voilà. Sur ce qui fait que tu es maintenant artiste attendu. Attendu de ces débuts d'année. De cette fin d'année, de cette, ouais, cette rentrée, on peut de dire. Cette rentrée, voilà. De cette rentrée. De cette, ouais. De cette rentrée de 2015. Depuis quand tu sens vraiment une attente autour de toi Niska? Depuis le mois d'août. C'est depuis tout le mois d'août, ouais, c'est tout. Et encore, je trouve que c'est pas encore assez. Tu vois. Faut plus. Faut plus. Et bah allez-y, plus avec le hashtag Niska sur Skyrock. Vous pouvez balancer aussi vos questions à Niska. Charo Life, on va écouter des extraits. Il y aura du live ce soir aussi de prévu. Normalement, on va essayer de faire un petit truc, un petit freestyle, tu vois. Petit freestyle entre nous. Niska et Skaudi. Okay, Niska, Skaudi, Trafic NT, Briggy, okay. Rako, Madran, on est tous là. C'est des gens qu'on retrouve hein, sur le projet, je dis ça ouais, aussi. Bien sûr, sur eux, notamment, tu peux retrouver Trafic NT, Madran et Briggy sur le son Black in Yellow, sur le son. Et sur le son PSG avec Rako en plus, tu vois. Rako qu'on retrouve aussi sur le morceau PSG et Tony Montana. À découvrir cette semaine entre 20 et 21, on vous attend aussi au freestyle par téléphone 41759. Niska, qu'est-ce qu'on mettra dans quelques minutes comme morceau? Quelques minutes. Gros bonnet. Ouais. Par exemple, tous cagoulés, ouais, gros bonnet, tu vois. Oui, les gens nous disent pourquoi ils sont tous cagoulés. Je tiens à rassurer ma famille, mes proches, tout va bien. Tout va bien, on n'est pas venu faire des bêtises. Juste venu montrer la couleur. On est juste venu donner l'air. C'est la couleur du projet. C'est des trucs qu'il va falloir écouter très fort chez vous, à la maison, dans les bagnoles, en bas de chez vous aussi, le son de Niska. Dès vendredi, et on revient donc dans quelques minutes avec Gros Bonnet juste après ça. 21h, Planet Rap, Niska. Skyrock. Niska avec nous, le projet ça sort vendredi. Vendredi 2 octobre. Hey. Le 2 octobre, Charo Life. Eh hey, ma gueule! Eh bif, allez, dis-leur, on va les baiser. Eh hey, bif, ok, je vais pas plaider des coupables. Non! Je vais pas plaider des coupables. Oui. Je suis tellement de spé qui m'apporte même des histoires de Karajika. De Karajika, tu veux être ma femme? Oui. Allez, Lou Gokuna. Toi tu brûles de la chatte et tu veux que je t'offre l'Italempica. L'Italempica Benda George, W Bush, couler le sang comme un boucher. Il n'y a que les faibles qui sont là pour se coucher. Charlie Delta c'est Chicago Benda. Charlie Delta c'est Chicago Benda. Chez nous en période de crise oui. Malaki en ville à Kagoul oui. Evry Green c'est à Kaboul Benda. Corbeil et Zan c'est à Bagdad Benda. Masiati c'est à Gaza oui. Avenue et Brest, même des magasins Benda na Benda oui. 91 c'est Los Angeles. La PMG, ma forteresse. Wow. Les corps des faibles sont dans les tombes. Bang, bang, bang. Toi t'as parlé sur nous, maintenant compte les secondes. On envoie les heures. Hey, c'est pour l'homme, c'est quoi le comble? Imbécile. Si sa femme est stérile, sa pute est féconde. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Je traîne avec gros bonnet. Bang, bang. Y'a pas qu'à l'armée qui a des famas, des galachnikovs. J'suis venu, j'ai vu, j'ai trop collé. Avec nous entre 20h et 21h et ce morceau Gros Bonnet avec Madran aussi entre 20 et 21h à découvrir cette semaine le projet qui sort vendredi. Charo Life sur Skyrock. Il y aura du live dans quelques minutes avec Niska entre 20 et 21 ouais. sur Skyrock. Ça a été un des gros morceaux aussi hein, celui-ci ouais, Gros Bonnet que t'as balancé qui a fait beaucoup parler de lui. Bien sûr. quand tu parlais de justement de ce buzz que t'as toi, que tu fixes vers le mois d'août où il y a vraiment en tout cas quelque chose qui se passe. Ouais. C'est vrai que Gros Bonnet en, ben, en fait partie aussi. Hein, ouais, il est sorti au mois d'août en plus, Gros Bonnet. Mmh. Fin juillet ou début août, je sais plus. Ouais, il est sorti au mois d'août. Il fait partie de l'ascension. Le Gros Bonnet, c'est un gros morceau avec du cœur. Parce que ce morceau-là, c'était pour bien représenter notre département, tu vois. Parce que c'est un département assez difficile, tu vois, où il y a beaucoup de conflits. Mmh. Essayer d'unifier tout ça, faire en un seul morceau, ça a donné ce que ça a donné, ça a donné Gros Bonnet. Et ça a donné maintenant à peu près, je crois, 4 millions de vues sur YouTube, donc ça veut dire que ça marche, tu vois. Et tant mieux, pourvu que ça continue. Et bah pourvu que ça dure avec la sortie vendredi. On écoutera un autre titre avant de passer au live dans quelques minutes. Est-ce qu'on mettra le morceau avec Skaudi, Building? Je veux envie de faire passer Building et ouais. Chica Gang, Chica Gang aussi. Donc et ça c'est des morceaux. Ouais, Building c'est un solo de Skaudi, tu vois. Et Chica Gang c'est un solo de mon refrain Traffic NT. Et après on fera un petit live. Et bah c'est dans un instant, donc on passera, je sais pas, le premier comme tu veux. Bah on passe n'importe lequel, ça passe peu importe. D'accord. Et bah très bien. C'est comme le DJ le sent. Building dans un instant. Allez. Bougez pas, ça arrive juste avant, je te présente Dams de Paris. Salut Dams. Ouais, allô. Comment ça va Dams? Bonjour. Ça va, tu connais Niska? Ouais. Est-ce que tu fais partie de la team Charo? Parce qu'on n'a pas encore dit un mot, mais la team Charo qui est en train de te hisser en top TT là actuellement avec le hashtag Niska sur Skyrock et qu'on salue. Dams, tu aimes bien, tu attends le projet Capatience vendredi? Ouais. Eh bah terrible. En attendant, j'espère qu'on va pouvoir t'entendre bien rapper parce que la ligne me paraît un peu limite. Allez, c'est parti, vas-y, freestyle par téléphone, Dams. Ok. Dams. Ah, je crois qu'on a un problème de ligne. Dams, on va essayer de le rappeler, soit dans quelques minutes si on a le temps, sinon dans la semaine, parce que là je pense que c'était un peu compliqué, j'ai senti dès le début cette histoire. Le hashtag Niska sur Skyrock pour balancer vos messages. Et donc on le disait, on met un morceau Skaudi, morceau qui s'appelle Building, tu veux dire un mot, où est-ce qu'on peut le trouver? Ouais, il est actuellement en ligne, sur la page Negrodi, tu peux le trouver, allez cliquer. Et bah très bien, on l'écoute maintenant, c'est parti. Allez, bien sûr. Elle sort d'Hollande, elle rentre dans le pays de France à Hollande. Panique même pas, certifié par mes négros. C'est moi qui t'adonne, panique même pas. C'est moi qui la sors, c'est moi qui la rince, qu'elle panique même pas. Tu payes en liquide, elle paye en nature, donc panique même pas. Chasse un terre pas, avec 2, 3, 4 putes dans le pain. Mon négro panique même pas, t'as pas intérêt à faire la pute, une fois dans le pain. J'ai fait chiffler ma, j'lui serre sous la caméra. Il vient pécho, je rends service à tous mes camarades. Venant de trop de putes, y'a trop de fils. J'en ai nombreux sur la liste. Pilay, il faut pas le poids. J'envoie trop peu sur la piste. J'ai dit au frère qu'il est ça. Cette affaire, je vais régler ça. Hein? Qui va faire quoi? C'était l'homme ça. Panique même pas. T'as les boules, fais la queue. Avec vous, on prend un jeu encore en billard. On loue, tu trouves ça bizarre. Et puis on la fermera une fois dans le corbillard. Le négro est toujours frais. À la fois calibré, panique même pas. Toi tu flippes, t'as raclé les flips, panique même pas. Pourquoi tu parles trop, j'suis dosé. Tu fais chier, j'suis dosé. Le Kama c'est dosé. Le Fama c'est posé. J'l'ai frappé, j'suis dosé. Mais trop, j'suis hardboy, j'suis dosé. Tu parles trop, j'suis dosé. C'est bouffon, j'suis dosé. Elle sort dominicaine, elle rentre dans le pays de Villepin dominicaine, panique même pas. Ça passe ou ça casse, et puis où ça passe, pas mal que c'est nickel. Changer pour un changer, on va juste se cacher, on va pas se ranger. Panique même pas, on vit à plein temps, comment fuir le danger. C'est elle qui veut le plus, le compte dans l'histoire, c'est elle qui panique même pas. Gardez la pêche, l'imam c'est pas cool qui panique même pas. Laisse-moi sur le côté, je vais le taffer. J'active de mes négros tout à fait. Nous raconte pas ce que t'as fait. On va cliquer pour ce que t'as pas fait. J'ai rafait avec mes négros et panique même pas. J'ai la fois en ta l'arrière, panique même pas. En cartable, y'a mes négros. Ils parlent pas à mon négro, je panique même pas. C'est quoi mon but? Bâche les buts. Devant les buts, mon négro, je panique même pas. File plus, pas la pute, panique même pas. Pure et la dure, eh, panique même pas. J't'en fais voir de toutes les couleurs. Comme mes potes du Plaza. un temps de panique. Chez nous tout ce qu'il y a chaud ne vient pas du Brésil. Mais capable le contraire ne passe pas la copa. J'entends tes réponses, ils ont de quoi le bas. Copa ne baisse pas les bras. Comme dans un petit tout commence par le bas. Micro tu pars trop, j'suis dosé. Tu pars trop, j'suis dosé. Tu fais chier, j'suis dosé. Tu fais chier, j'suis dosé. Le kama c'est dosé. Le kama c'est dosé. Le fama c'est posé. Le fama c'est posé. J'l'ai frappé, j'suis dosé. Micro j'suis hardboy, j'suis dosé. Tu pars trop, j'suis dosé. Tu pars trop, j'suis dosé. C'est bouffon, j'suis dosé. C'est bouffon, j'suis dosé. S-A-T-A-M, Manga, Noja, Maki, Pat, Prospice, Nécro, tu pas trop, je suis dosé. C'est pour faux, je suis dosé. Nécro, tu pas trop, je suis dosé. Allô. Le Planète Rap de Niska à l'instant. Et Skaudi qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock entre 20 et 21. Donc c'est un morceau qu'on peut trouver en ligne. Il est disponible en ligne là, tu peux le trouver. Ouais. Tu vas direct, tu le trouves. Et sinon pour toi, qu'est-ce qui t'attend aussi dans les mois à venir? C'est d'abord quoi, Niska? J'attends Charolais, comme tout le monde. Charolife. Ouais. Et après On voit ce qu'on fait par la suite. Ouais, ça bosse. Je disais un mot, la team Charo qui pousse, qui est derrière Niska et qui grandit au fur et à mesure. Bien sûr. Donc Charo, c'est évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est le terme lié au côté charognard, celui qui se démerde tout seul. Voilà quoi. Le mec hargneux qui lâche rien. Les mecs hargneux qui lâchent rien. Ouais, exactement. Ça a été ton cas justement de rien lâcher pour rentrer dans ce rap game. Exactement, exactement. Et là, ça y est, tu es au port du rap game avec la sortie vendredi, la première mixtape. Ouais, ouais, ouais. C'est le début d'une aventure parce que ça, quand on dit mixtape, ça veut dire que voilà, c'est une. Du mixtape, ça veut dire qu'il y a un album qui arrive bientôt. C'est une carte de visite. Voilà, c'est exactement ça, une carte de visite. En attendant le vrai truc, l'album, je pense. Tu vois, l'album, on va encore donner 10 fois plus, tu vois. Bon, pour 2016, déjà, on va pouvoir profiter de ça. Il y a une tournée aussi, je le disais, avec Niska. Et avant de passer au live dans quelques minutes, un autre morceau. Ouais, on va envoyer Chica Gangs, s'il te plaît. Chica Gangs, ouais. Chica Gangs de Traffic NT. Traffic NT, qui est là aussi parmi nous. Présent, ouais. C'est vrai qu'après moi avec les cagoules j'ai du mal à vous reconnaître tous les gars, donc je suis désolé mais. Il est là. Il est calme mais il est là. Un petit mot surtout aussi Traffic NT, ce que tu prépares, ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi le son actuellement tu peux le retrouver sur YouTube, Eurodip, la chaîne, ou sur ma page officielle, Traffic NT officielle. Et bon on l'écoute maintenant? Vas-y. Allez c'est parti. Bye. Rap Kente à l'instant sur Skyrock entre 20 et 21. Voilà. Et voilà, cette semaine, c'est aussi le moyen de mettre un peu d'exposition justement sur voilà, tous les gens. Voilà, sur tous les frères qui sont à côté de moi. Parce que ça rappe dans le 9-1. En même temps, il y a une longue histoire aussi du 9-1. Bien sûr. Évidemment, pour les plus connus, on pense à DC's, à Diams, à Cynic. Il y a aussi Olkari, des gens comme Olkari, évidemment, qui ont marqué le 9-1. Al Capote plus récemment. PNL, on parle beaucoup de PNL aussi. Et il y a toi aussi, Niska. LMC. Et puis tous les autres, ceux qui t'accompagnent aussi entre 20 et 21. Donc on va mettre l'accent cette semaine sur les gens qui t'entourent, sur les gens de ton quartier, sur les gens du 9-1 aussi. Bien sûr. Qui vont venir avec toi cette semaine. Est-ce que tout le monde est prêt pour le live maintenant? Ouais. On va tous se lever, on va foutre. Que vous êtes chaud ou pas? Carlos, t'inquiète pas, mon frère. Coup d'envoi du live, Niska, ses invités, le Planet Rap, la team Charo et le projet Charo Live. Abandon. Ouais. Bye. Quel bail? Tu changes d'instru ou quoi? C'est parti? On y va, ouais? Vas-y, coup d'envoi. Ah, j'entends rien du tout là. Balance le son, on va régler ça. Ah, je crois que nous avons un petit souci. Voilà, là, on entend. On envoie la sauce. Charo dans la zone. Vas-y. Bye bye. Ouais. Ah. Ouais. Libéré l'humain. Ouais. Ah. Vera Niska. Vas-y, on se lève, les gars. Skuskus. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Trophy, Katy, Biggie, Stone. On bouffera toute la prose, on croque sur la Apple. Apple. Cherche pas à savoir l'histoire, comment parler. Si tu sais Apple. C'est sûr qu'on va nier. Qui t'a fait quoi? Personne s'en rappelle. Rappel. J'compte pas les victoires, j'tolère pas la défaite, donc je m'en rappelle. T'auras tes traces de mes Gucci ou tes Jojo si j'marche sur tes Apple. Scandal. On quitte la violence, ils se sentent sur l'entrée. Pourtant, j'les touche à peine. Happen. Tu crois que nos relations se jugent qu'à la piste? Ils sont d'autant plus de faux qu'à te déhacher dans mon cannabis. Les gens te kiffent pour ce que t'es et ils t'aiment pour ce que t'as. Laisse-les parler, ils ne savent pas avec qui discuter. On ne disera pas, mais sur la pleuta, y'aura du champagne. Du champagne. Je sais pas d'où elle vient, mais je sais où elle va. Elle va perdre son pagne. Elle va perdre son pagne. J'enlève le top top. Balance notre instru, DJ. Doctop, Charles, balance notre instru, s'il te plaît. Voilà le Doctop. Yeze. Charles, laisse sur le 2 octobre. Obla. Ok. Lili. Bye. Bye. Aïe, bye bye. Obla. De là, B. Obla. Ok. Benda. Ils ont pété le matos du matos. Je suis parti du bento dans le gamos des gamos. Gamos. Trafic de stup dans les locaux du check. Prends ta galette comme au tacos. Tacos. Numéro 10 comme Diego Armando. Dorénavant, je vise le bingo. Oui. La poto vaso, oui. La Nintendo. Oui. La boca bazo, oui. Kabu Congo. Congo. Congo. Bento Kabendo. On veut du dingo des roro. Ramène les ringos des roro. Numéro uno des uno. Ramène, tu le sais. Saisis Fucoro. Fessier, cambrai. Oh là là. Réveille mes démons. Oh là là. Il faut que je la démonte. Oh là là. Mauvais comportement. Oh là là. Audi, t'as des bonnes de Audi. Négro, j'tise ma Audi. Un de mes soldats sort en condi. J'te le redis. Je me suis fait sans faire le vendu. Comportement. Quand tu nous vois, faut t'applaudir. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind. Big money on my mind. Ok. Qui veut tester qu'on le baisse? Baisse. Quand je suis posé dans le Bex. Fais tourner des buts du test. Jax. On l'entend de la fraîche. Yes. Windows stress. Stress. Qui le 2S dans la caisse? Yes. Ma chérie n'est pas le stress. Stress. Y'a un jacal dans tes fesses. Fesses. Yes. T'es la pub et je suis le mal. Mal. C'est quoi le problème du mal? Mal. Et te voilà à l'hôpital. Tal. C'est Ziggy Braille. Ouais. On t'allume du vin. Qui veut tester qu'on le baisse? Qui veut tester qu'on le baisse? Qui veut tester qu'on le baisse? Je relâche le mec de auto. Stony guapo, Stony guapo. Oh bla. Ah, tu peux changer d'instru, frérot? Envoie-moi une bonne instru là. DJ Mike Wall. DJ Mike Wall. Ah, une autre instru, DJ. Yes, sir. N'importe, envoie-moi une instru qui arrive. Envoie une instru. Yes, sir. Ça relève le 2 octobre. Ça bouge pas, mon pote. On est avec les charros là. Les cigares. Ouais. Charro live. Jaja. Charro dans la zone, cigare dans la bouche. Ouais, ouais. Bye bye. Squad. Yes, I do. Vas-y, quoi, Tony Bryan. Oui. French Driller. Moi, Jack énervé. Hey. Ça me bicrave la frappe. Passe au quartier, t'inquiète, y'en a en vrac. Y'en a en vrac. En bas des queblos, ça rabat de tout part, ça ramasse de tout part. Ça ramasse de tout part. On se mélange pas. Meurt ta gang toujours au top. Au caillasse, caillasse. Allez, caillasse. Pète un gros terre, pète un gros billet, pète le Lehman. Pète le Lehman. Wesh, c'est quoi les bails? Je veux du Zeyo pour plus de bétail. Plus de bétail. Au quartier, Gava, t'inquiète, y'a du travail. Y'a du travail. Sur un, deux roues, Pelec, Higo, ça peut rafale. Ça peut te rafale. Tech, c'est ma zone. Zone. Brigue et Murder, c'est mon gang. Gang, pas le fou, on casse les mobs. Je suis un terroriste du 11 septembre. Bye bye bye. Pelec, mon doigté est déjà prêt. J'en ai après tout le monde. Je baisse le rap et le patron. Je baisse le rap et le patron. Jamba, Doré, on a que ça dans nos. Fouille, Uzi et pompe, chargez, chargez pour ceux qui viennent faire les fous. Bouchard, Jamba, Doré, Uzi, que ça va voler. Sous, on court raflé, donc c'est charbon, cagoulé, ganté. Cagoulé, ganté. Charo life le 2 octobre. Charo life le 2 octobre. Charo life le 2 octobre. Ah oui, non. Charo life le 2 octobre. Charo life le 2 octobre. Charo life le 2 octobre. Charo life le 2 octobre. Il paraît que. Charo life le 2 octobre. Oui, oui. Skr, c'est la bec ou ça t'es en I. Du vrai rap pour les vrais OG. Le rap n'est pas mort, il est bien en vie. Tu me croises en ville, je te donne envie. Skr, bye, bye, bye, bye. Ça bébé de la bonne fuche. On dépose, on ramasse, ramasse. Gros lit de pilon de queuche. Je refuse ton, on croule un camasse. Camasse. 70 palos, le meuge. 300 palos, la basse. La passe. Les embrouilles, ce n'est pas un euge. La B, t'attends sur la place. La passe. Serraco au max, c'est pas la crise. Pose en Charlie, ça fait du bizarre. Chantier du coq, tu sais qui c'est. Qui c'est, qui c'est. Tu sais qui c'est. Qui c'est. Docteur, stop, stop, stop. Skip, skip, skip. Thug life, j'ai la tête sur les épaules. La stup, la bague, plus les jeunes en bas des halls. La gestuelle comme Jean Paul, comme Jean Paul. C'est comment partez tes couilles, mec, avance. Je fais mon business, dans le bloc, évidemment. Ta mort. Je fais mon faibli. Hola, hola, oui, c'est trafic. Les sbires, oui, le meilleur est pour le pire. 2050, barre, puta, bunda, bim. Charo lève sur le dos. Charo lève sur le dos, top. Charo lève sur le dos, top. Bendon. Charo lève sur le dos, top. Charo lève sur le dos, top. Charo lève sur le dos, top. Charola sur le dos top, Charola sur le dos top, Charola sur le dos top. Jeune Renoir sauvage. Renoir sauvage. Renoir sauvage. Elles ont du sperme dans le sauvage. Dans le nabendo. Le canon frappe de mon pénis. Frappe de mon pénis. Le vendredi, je suis en camis. Ah oui, oui. J'suis dans le bloc avec mes négros. Avec mes négros. On va pas faire de détails. Viens en ballon. Viens en ballon. Pas mon amigo qui passe à amigo. Les Angeles. Charlie Delta, c'est Chicago. Tana squad. L'État, on vole ta caisse car Jack Chirac. Car Jack Chirac. Mon fusil à couche, c'est pas le Congo, le sauvage. Bender. J'ai un flot de baiser, c'est mon côté, Nafou Man. Oui, oui. J'aime les maliens de mon côté, Nafou Man. Ça pipe la journée, posé sur le raté. Il faut des lovés. Il faut des lovés. Ça nous tue, loup, putain, Gucci. Oh, comme je suis posé. Voyez-lui posé. Que bon, 9 et mille, t'as plus qu'à causer. Allez, défoncé. Ramène des Tchaga, des Hanna Montana. Oh, comme je suis posé. Ici, Baba, Negro, Dean. Car Jack Chirac. Chirac, déclare forfait, anti-cible, cardiaque Chirac. Ça débouche, ça décharge, ça détaille. Pas besoin de dire plus de détails. Une mécanique, une cagoule, une meurtre. On est paré pour des fourrettes. Sors ta gueule devant la flicaille. Hugo faut qu'on maille. Les euros, les dollars, les livres. Hugo faut qu'on maille. C'est la weed. Hugo faut qu'on maille. Que j'ai charreau dans la zone. Bourguer dans le corner, va niquer ta grand-mère. Je veux péter le bénef, le bénef. Les temps de billets verts, malmé. Les temps de billets verts, de quoi arroser le père et la mère. Les darons, les darons. Je braquais, je volais, je dealais. Tout puissant, pardonne mes péchés. Benda. De temps en temps, je me mets à prier. Comme tout le monde, je ne veux pas brûler. Benda. Benda. Ah oui, oui, ah oui, oui. Oui. Madame, c'est faire la bagarre. Oui, la bagarre. Ah oui, oui, ah oui, oui. Oui. Madame, vesquille le placard. Oui. Vesquille le placard. Bébé, la journée, posé sur le raté. Il me faut des lobés. Il me faut des lobés. Un anti loup ou ta Gucci. Oh, comme je suis posé. C'est gagné, passé. Le pont, 9 et minutes, t'as ta pris ta chauve. Charlie Delta. Pleurez pas d'Arcy Fred. Charles Lafle de Pérez pour tous les Rémi Radio. Sont à Habs, mon frère. Ouais, ouais, ouais, c'est la guerre. Voilà qui c'est pour toi. Wesh Lino, c'est pour vous, c'est pour qui. Ouais, mon frère. Tous les frères qui sont Habs, Malaki, Zabavot, enfoiré va. T'es là, là. Tu m'écoutes, là, enfoiré là. Eh, vodka. Dis-nous, là. Dis-nous, là. Les enfers. Dans les enfers. Ok. Sur le raté, les petits sont des vacataires. Oh, ça. Toi, t'es un vrai poitain. Dites-moi, où est le quiproquo. Juste un ou quoi. Y'a personne qui s'impose. Les gars m'ont dit jusqu'à baiser. Les caves nous offrent les mêmes bracelets. Charbon égale baveux, baveux. Tu sors. Elle a des azalés, azalés, azalés, azalés, azalés. Dame elle est naco. Niska n'a pas percé. Non, bébé, je n'ai une place. On a donné les noms, mais on a fait des zoos. Dans la zone, on a fait le tour. On a fait le tour. Au garde à vous. On a tellement la dalle qu'on a même fait des fours. Bah, PC, Boca, Pion, Beto, Zeyo égale touriste. Avance tout risque. J'écris mes textes dans la galaxie. Je suis un galactique. J'ai pas besoin de pousser la faute. Ben je m'en bats les couilles. J'ai ma balastique. T'as l'instant. Matez les bails. Les négros sont deep. Je peux t'aider pour mes gars. Je peux t'aider pour mes gars. Matez les bails. Les négros sont deep. Je peux t'aider pour mes gars. Matez les bails. Les négros sont deep. Je peux t'aider pour mes gars. T'aider pour mes gars. Matez les bails. Les négros sont deep. Je peux t'aider pour mes gars. Charlie Delta. Ben Charlie, Charlie Delta. Ah oui. Je ne vois plus les autres. Mon téléphone est hors de réseau. Si t'abandonnes, j'en suis la raison. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Ouais, il y va, ça. Ouais, il prend, c'est comment là. On a tout failli ou quoi. Ouais, Marlon, c'est comment là. Je suis dans la ville, je fais du chiffre, les keufs me pissent. Ah ben si, j'ai plus de fil. Arrête la tête, you bitch. Bye bye. Arrête la, arrête la, avant de dormir, je compte mes dollars. Money, money, money. Le shit, je ne vends plus, mais je fais plus de sous que ton 6-3. Maman, ne pleure plus, mon rosy fume fait des euros. Toi, tu les tailles, les quêtes. Les keufs enquête, enquête. Arrête tes disquettes, sur ton CV. Moi je décolle, je ne vois plus les os. Mon téléphone est hors de réseau. Si t'abandonnes, j'en suis la raison. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Serrez, serrez les points. levez, levez les poings. Ouais, Masco. Attends, Masco. On refait gros bonnet, okay. Dernière fois, parce que là c'est la guerre. Hey, tout le monde debout. Allez, allez là, tout le monde debout. Hey, les gars, merci. Tu m'appelles des coupas, non. Tu m'appelles des coupas, non. Je suis tellement de spé qui m'envoie même des histoires de Karachika. De Karachika. Tu veux être ma femme? Oui. Allez, Longo Akuna. Oui. Toi tu pues de la chatte et tu veux que je toiffe l'Italie Africa. L'Italie Africa. Benoît. Genre, 2000 bouches, couler les hommes comme un boucher. Sont là pour se coucher. Oh, Charlie Delta c'est Chicago. Oh, Charlie Delta c'est Chicago. Oh, chez nous on fait la tri. Malaki on fait la cagoule. Quand il est sale c'est à Gaza. Passer de la vie c'est à Gaza. A fini le prêt. Mets des magasins. Pas de la bando. Oui. 91 c'est les Angeles. Yes. La BMG ma forteresse. Le corps des faibles saute dans les tombes. Bang bang bang. Toi t'as pas eu sur nous, maintenant compte des secondes. Maintenant compte des secondes. Être c'est pour l'homme, c'est quoi le comble? Imbécile! Tout le monde! Hein? Si ta femme est stérile, ça pue, c'est féconde! Je traîne avec gros bonnet! Bing bing! Je traîne avec gros bonnet! Bing bing! Je traîne avec gros bonnet! Bing bing! Je traîne avec gros bonnet! Bing bing! Y'a pas qu'à la mer, y'a les femmes, des galas d'icônes! Bing bing! J'suis venu, j'ai vu, je trogue les gueules quand Bernard m'a donné! Je traîne avec gros bonnet! Bing bing! Je traîne avec gros bonnet! Bing bing! Je traîne avec gros bonnet! Bing bing! Je traîne avec gros bonnet! Bing bing! Y'a pas qu'à l'armée, y'a des famas, des kalachnikovs. J'suis venu, j'ai vu, j'ai tranqué le game quand Bernard madame. Comparution immédiate, j'ai été entraîné par le diable. 666, mon rêve c'était d'être voleur, mais j'ai fini marchant sable. 666, depuis tu peux, je suis type, et ça depuis ma cassable. Oui, négro, tu testes, on s'équipe, t'auras pas le temps de péter un câble. Y'a 250 euros, confession d'égo, confession d'égo, confession d'égo. T'es dans le bloc, Hugo, ça fume du béton. Ça fume la béton, la béton, la béton. Bendo, bendo, c'est blanc de ma meuf. Bendo, bendo, bendo, bendo. C'est ce qui est là pour moi quand ça parle de bagarre. Scalage, scalage. 91, ouais, c'est nous les potes de Zard. C'est nous, c'est nous. La violence, on connaît, mais ça fait du genre. 91, ouais, c'est nous les potes de Zard. Mais ça fait, mais ça fait, mais ça. La violence, on connaît, mais ça fait du bagarre. Octobre, octobre. Yes, face et non, vitre teintée. Bendo, bendo, j'passe au charbon. Oui, c'est dit, j'porte un blindé. J'attends la tâche, j'ai pas gavé. Oui, j'arpente toujours les mains gantées. Oui, j'arpente toujours les mains gantées. J'volais le goûter des enfants gâtés. Ah oui, oui, elle prend un barcu. Elle veut passer à gâter le clito. Bendo la bendo. Allez, tosse comme un charron. Oui, petit, ni ça le clito. Ni ça le clito. Donne-moi le tarot. J'vais pas te rasper. T'es vraiment paro. T'es vraiment paro. Paris Saint-Germain. Oui, allez, bendo. Mathieu dit ça. On part pour les Choco. Maintenant, et t'as même le terreau. On paye pour qu'on t'arrose. Oui. Trafic et t'es la parole. Trafic et t'es la parole. On t'a niqué, toi t'as planté. Je vais te planter. Comme ta peur, je vais te planter. Danache, j'commence seulement, j'commence allemand. Ma fille d'un coup, on a l'entendement. Vous êtes allumé brutalement. En démarche, on véhicule allemand. Allemand, allemand. Tu tires apparemment. Allemand, allemand. Tu fais ta cour allemand. Allemand, allemand. Pourquoi tu cries mon grand? Tiens, vas-y, prends un calme. Autant je suis yombe, pour tous les frères qui tombent. Jamais seul je monte. Pourquoi derrière moi c'est sombre? C'est pas je bombe. Mais mes frères c'est mon ombre. J'suis barbu, j'pose pas de bombe. J'veux pas l'enfer après ma tombe. Y'a pas de yo, donc je le braque. Pour bendo hélico, gros y'a la bac. Pour risque mico, j'ai changé de pas. Elle est en hélico, j'suis un jetpack. On veut des sous comme mon auto. Pas de belle blanche, pas de coco. Poto qui est blanché dans l'auto. On est les best, y'a pas couteau. Arrogant, je suis sur mon catamaran. Je remplis mon argent dans le plus grand des silences. Ça vit grave la mort à ces chats qui rôdent. Sans espoir ou bien politicien dans la street. J'te prends de vitesse, j'suis j'ai fait sous la manche. Voilà, tendance comme flipper. Donc normal que vous flippez. Trafic de bruit comme une tête. J'ai eu tout liquide la concu, on va faire les crimes. Tchic, tchic, j'ai plus de time. Bam, bam, j'ai la peine. Le temps c'est de l'argent. Qui t'apprend 10 ans, posé de la mise. L'équipe est frère, on fait comme un lingot. Fais faire la guerre comme les Slovaques. Crie comme des russes sur du Slovaque. De police, on veut pas se les DMG. Tana, tana, tana, des tana, des squads. J'fais mes doigts. Hola, amiga, amiga, les chicas, vorella. J'mets ma moula qui t'a dépensé. A Chaga. C'est le 2 octobre dans les bacs. Oui, oui. Et les gars, vous voulez me péter le studio dès lundi ou non? Si vous voulez me le péter dès lundi. J'ai mon plancher pratiquement neuf. 10 minutes, on se met dans le bain. Après, c'est le feu. Ah, bah j'ai vu, c'est le feu. Au début, on t'a fait semblant, viens parler un peu. C'est normal, c'est lundi. Et là, bim. On va mettre des instrus, ça y est, ça part en couille. Et bah, j'espère que ce sera comme ça tous les soirs en tout cas. T'inquiète même pas. C'était semaine de fou. C'était très bon. C'était très bon pour débuter ce début de semaine. Merci à vous tous, messieurs. Vas-y, Fred. Merci Niska aussi pour cette première soirée. On rappelle que c'est vendredi dans les bacs. Vendredi 2 octobre. Voilà, voilà. À pas louper. Et on est un peu à la bourre. Gros bisous à toute ma team Charo. Gros bisous à vous, je vous aime. Avec parce que c'est pas sans vous que ça marche. Ouais. Team Charo qui est derrière Charo avec le hashtag Niska sur Skyrock. Et je le disais, on va retrouver D-Fool maintenant. Mais oui, Fredo. Parce que nous sommes un peu. Ouais, du bris de la breuve, bateau de dreux. Mais en même temps, on est une grosse équipe. Ah, il y avait du monde dans Planète Rap. Je suis venu vous voir, c'est un souk là-dedans. Et Marie, elle en a profité, il y a plein de. Marie a mis un peu d'ordre. J'ai regardé à travers la fenêtre, mais tout le monde sautait, cagoulé et tout. C'est là, vrai, c'est drôle, vrai que c'est une ambiance, c'est une soirée particulière. Ouais. C'est ça commence demain. C'était la soirée cagoule ce soir. Demain, à partir de 20h, c'est reparti. 20h, 21h. Niska, toute la semaine dans Planète Rap. Il t'en reste pas une pour Cédric de cagoule. Ah ouais, je vais bien en trouver une, t'inquiète pas, Romano. Merci Fred, c'est vraiment sympa. Sympa comme tout, le Fredo. Bon, demain soir, 20h-21h, Niska a pas loupé sur Skyrock, profitez-en. Nous on arrive dans 2 minutes là sur Skyrock, c'est parti pour la radio libre. Fred, Niska, à demain. Et demain, et avant la sortie, le 2 octobre dans les bacs. Et on loupera pas le 2 octobre, on loupera pas demain soir, 20h-21h. Ciao Fred, salut. Ciao. Et c'est parti pour la radio libre. Tout de suite, appelez-nous 0153-43. Maître Gims, Black M et Nekfeu. Ouais, c'est Nekfeu. Skyrock, la radio des plus grands.